Votre émission en balado débutera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Les balados sont écoutés par des personnes dynamiques, ouvertes d'esprit, qui savent à chaque moment ce qu'elles veulent. Tout comme vous, les employés du cabinet comptable Mallette les écoutent. Venez vous joindre à nous, comme clients, comme employés. Vous savez comment nous trouver. Mallette comptable. Votre émission en balado débute dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'engouement du milieu intellectuel français pour le modèle communiste soviétique dans la première moitié du 20e siècle. J'étais forcément attiré par le Parti communiste, comme tout intellectuel, enfin entre guillemets français et autres. Il y a un moment où tous mes camarades ont tous passé par le Parti communiste à un moment ou à l'autre de leur vie. Beaucoup ont été staliniens très longtemps, avec les meilleures intentions du monde, mais d'une façon absolument inacceptable avec le recul. J'ai échappé à ça grâce à Gide. L'écrivain et journaliste français Claude Mauriac à l'émission Propos et confidences en 1986, c'est au contact d'André Gide que Claude Mauriac va développer son allergie aux idées communistes si populaires dans les milieux intellectuels français de la première moitié du 20e siècle. Il faut dire qu'André Gide fait partie des intellectuels français qui rejetteront avec le plus d'éclat ce modèle communiste soviétique dont ils avaient pourtant d'abord chanté les louanges. Comment expliquer cette fascination de la bonne société intellectuelle parisienne pour le communisme soviétique? Et quelle place va occuper vraiment cette ferveur communiste dans les milieux intellectuels français de la première moitié du 20e siècle? André Gide fut un autre des nombreux intellectuels qui suivirent le même type de parcours idéologique. Il écrit d'abord « Je voudrais crier très haut ma sympathie pour la Russie, et que mon cri soit entendu, est de l'importance. De cœur, de tempérament, de pensée, j'ai toujours été communiste. En face de certains riches, comment ne pas se sentir une âme de communiste? Mais, dans son retour de l'URSS, André Gide voit les choses autrement. Voici sa perception des conditions matérielles d'existence des Soviétiques. En attendant, et en fin de compte, c'est toujours le peuple qui paie, si indirectement que ce soit. Tu plains ceux-ci de faire la queue durant des heures, mais eux trouvent tout naturel d'attendre. Le pain, les légumes te paraissent mauvais, mais il n'y en a point d'autre. L'important ici, c'est de persuader les gens qu'on est aussi heureux qu'on peut l'être. » Parlant de l'intérieur des maisons des paysans russes qu'il a pu visiter, Gide ajoute. « Je voudrais exprimer la bizarre impression qui se dégage de chacun de ces intérieurs, celle d'une complète dépersonnalisation. Dans chacun d'eux, les mêmes vilains meubles, le même portrait de Staline et absolument rien d'autre. » Ses critiques deviennent plus sévères quand il décrit le règne de la délation et du conformisme imposé au peuple soviétique. « On en vient à se défier de tout et de tous. Chacun surveille, se surveille, est surveillé. Le mouchardage fait partie des vertus civiques. Je doute qu'en aucun pays aujourd'hui, fût-ce dans l'Allemagne de Hitler, l'esprit soit moins libre, plus craintif, plus vassalisé. » Extrait de l'émission « Au fil du temps », animée par Gérard Pelletier en 1989. C'est Michel Keble que vous entendiez dans cet extrait lire des passages du « Retour de l'URSS » publié par André Gide en 1936 pour nous parler de cet engagement des intellectuels français pour le modèle communiste soviétique dans la première moitié du 20e siècle. Je reçois l'historien André Champagne, collaborateur régulier de l'émission. André Champagne, bonjour. Bonjour, Monsieur Beauchamp. Quelle place occupe cette fièvre communiste, André Champagne, chez les intellectuels français de cette première moitié du 20e siècle? Ben, c'est majeur pour une raison très simple, c'est que depuis Zola, depuis ces romans où on décrivait la condition misérable des travailleurs, que ce soit des mineurs, des travailleurs en usine, depuis Germinal, depuis l'Assommoir, et depuis l'émergence du mouvement socialiste à la fin du 19e siècle, il y a un engouement d'une partie de l'intelligentsia française pour le socialisme. On croit sincèrement que le communisme, le socialisme, c'est l'avenir de l'humanité. C'est une réaction viscérale contre le monde bourgeois qu'on accuse d'être responsable de l'hécatombe de la Première Guerre mondiale. Et il y a cette idée, c'est qu'à l'Est, on est en train d'ériger une société égalitaire. qui va faire rêver une à deux générations d'intellectuels, pas seulement en France, mais un peu partout en Europe, voire même en Amérique du Nord. Donc la pensée, cette pensée marxiste, elle naît à la fin du 19e siècle, mais il y a ce tournant majeur, ça devient concret avec cette révolution russe en 1917. Tout à coup, ce n'est pas qu'une théorie, on est en train d'expérimenter la mise en pratique de cette vision du monde, ce qui fait qu'il y a une première vague. Si on essaie de voir comment va évoluer un peu cette ferveur communiste chez les intellectuels français, la première vague, c'est celle qui est liée justement, qui arrive tout de suite après la révolution de 1917. On pourrait dire, André, que c'est vraiment une fièvre révolutionnaire. Tout à fait, d'autant plus que parmi ces premiers intellectuels qui sont fascinés par l'expérience soviétique, vous avez deux historiens spécialistes de la Révolution française. Vous avez l'historien Hollard, vous avez l'historien Albert Mathias. Albert Mathias va publier en 1920 un article qui aura un retentissement énorme où il va comparer le bolchevisme au jacobinisme. Pour lui, Lénine, Staline, c'est Robespierre. Donc, aux yeux de ces historiens spécialistes de la Révolution française, la Révolution de 1917, c'est la continuation de la Révolution de 1789. Donc, il y a vraiment une fascination qui est tout à fait compréhensible. Avec cette idée que la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens, et c'est pour ça que, pour Mathias particulièrement, bon, le fait que le régime soviétique, bon, terrorise la population, le fait que la Tcheka, la police politique, ait ouvert des camps, le fait que l'opposition soit interdite, pour eux, c'est pas plus grave que ça. Pourquoi? Parce que pendant la Terreur, sous la Convention, sous Robespierre, sous le Comité de salut public, les Français ont été obligés de faire la même chose. Ouais. Donc, pour eux, la fin justifie les moyens. Donc, les circonstances imposent ça. Donc, pour eux, c'est rien d'étonnant ni de surprenant, ouais, parce que c'est le prix à payer pour édifier un monde meilleur. Et parmi ces romantiques révolutionnaires, moi, je les appelle un peu comme ça, qui souhaitent un monde meilleur, dans cette première vague, toujours, se trouvent bon nombre de pacifistes. Ça fait partie aussi du courant, des gens qui s'opposent farouchement à la guerre, qui ont connu la guerre de 14-18. Parmi eux, la figure d'Henri Barbuse. Qui est donc Henri Barbuse? Henri Barbuse, c'est un écrivain un peu exalté qui a remporté le prix Goncourt en 1916 pour avoir publié un roman anti-guerre intitulé « Le feu ». Ce roman-là a été traduit dans plusieurs langues. Ce roman-là a été vraiment lu par Lénine. Lénine a été fasciné par ce roman-là. Il en fera l'éloge. Effectivement. Et Henri Barbuse, pour lui, la guerre, c'est la preuve, justement, de la faillite de la civilisation bourgeoise, de la civilisation aristocratique. Et Barbuse est exalté, enflammé par ce qui se passe en 1917 en Russie. Et il va mettre sa plume au service du Parti communiste, au service de la Révolution soviétique. Il va même écrire, au début des années 30, une hagiographie, une biographie, mais alors là, romancée de Staline. Donc, Henri Barbuse, c'est ce que les Soviétiques appelaient un compagnon de route. Ouais. Et il va faire école, Henri Barbuse. Oui, parce qu'il y en aura d'autres intellectuels. Il y en a même un qui va carrément aller faire la Révolution, qui va épouser corps et âme pour un temps le projet révolutionnaire russe. Je parle de Pierre Pascal. Donc, il se rend en Russie. Il est collaborateur de Lénine au moment de la Révolution. On l'écoute se confier au journaliste Georges Niva en 1970. Moi, personnellement, j'étais complètement avec le peuple russe dans toute cette affaire et depuis le début. Je n'étais pas du tout révolutionnaire avant la Révolution, pas du tout. Mais une fois la Révolution éclatée avec cette unanimité en février, je m'y suis rallié tout à fait et très facilement, puisque cette révolution me semblait refléter la volonté à peu près unanime du peuple russe. Et cette volonté, c'était la fin de la guerre avant toute chose. Ensuite, je disais la réalisation de ces rêves populaires en Russie de l'égalité de tous les hommes. L'égalité par le partage égal de la terre, c'est pas ce que réalisait plus ou moins la commune rurale. L'égalité, la suppression des privilèges des intellectuels, par exemple. Le peuple russe n'a jamais bien compris qu'il y ait des gens qui soient favorisés. Il aurait voulu l'abaissement de toutes les barrières entre les classes. Il ne s'agissait pas de classe, mais enfin, ça correspond plus ou moins. C'était ça le grand rêve russe, et ma foi, je n'avais rien à contre. Je trouvais cela très, très raisonnable. Raisonnable n'est peut-être pas le mot, mais enfin très séduisant. Il sera tellement séduit, Pierre Pascal, qu'il va carrément participer à cette révolution russe. C'est un cas extraordinaire. Et il le dit lui-même, je suis entré en communisme. Ouais. Lui, Il appartient à la délégation militaire française qui est envoyée à Moscou en 1916. En principe, il aurait dû revenir en 1917-1918, mais non. Il est fasciné par l'expérience. Alors, il décide tout simplement de mettre sa plume au service de l'international communiste. Il va œuvrer à la section française de lycée, du Comintern. Compagnon de Lénine. Et puis, il va tenir un journal qui est littéralement fascinant. Pourquoi? Parce que son journal voit à quel point sa foi s'atténue, s'amenuise au fur et à mesure que les années 20 passent. Et puis, dès 1927, il remet en question son appartenance. Il reviendra finalement en 1933. Mais ce qui est étonnant du parcours de Pascal, c'est justement cet intellectuel qui a été enthousiasmé, qui s'est illusionné pour l'expérience en cours et qui va évidemment s'ouvrir les yeux, il va comprendre. Et puis, il va tout simplement décider de revenir en France. Et il fera une longue carrière universitaire comme spécialiste de l'histoire russe. Mais avant d'ouvrir les yeux, il participe pleinement à cet idéal révolutionnaire soviétique. Albert Londres, le journaliste Albert Londres, va le croiser sur son chemin. Parce qu'il y a quand même des voix critiques dès le départ. Albert Londres en est une de ces voix critiques. Et il le croise sur son chemin en 1920 quand il fait un reportage, Pascal. Il le décrit, d'ailleurs. Il le décrit, oui. Il renonce à tout, Pascal, quand il part en Russie. Il renonce à tout. Pourquoi? Parce que Pierre Pascal, c'est un spécialiste de l'histoire de la paysannerie russe. Et Pierre Pascal savait que dans la tradition paysanne russe, il y avait ce qu'on appelait le grand partage noir, ce rêve multiséculaire où les paysans allaient se partager les terres. Et lui, ce qu'il voit en 1917, c'est que la révolution russe, oui, il y a une prise du pouvoir dans les villes par les bolcheviks, mais il y a également un soulèvement paysan massif. Ouais. Et c'est ça qui va le fasciner. Ouais. Et c'est quand il va s'apercevoir que le plan des bolcheviks ne coïncide pas du tout avec les attentes de la paysannerie, c'est là qu'il s'ouvre les yeux. Ouais. Mais c'est ce qui explique son aveuglement. Alors qu'un journaliste comme Albert Londres, c'est qu'Albert Londres, il va circuler un peu partout dans le pays et il va voir la misère ambiante. Et ce qu'il va voir avec beaucoup de lucidité puis beaucoup plus rapidement que Pascal, c'est que le gouvernement reste au pouvoir en terrorisant la population et que pour Albert Londres, ce qui est inacceptable, c'est le fait que le pouvoir soviétique vraiment embrigade les travailleurs comme de la vulgaire piétaille. Et pour Londres, c'est ce qu'il dénonce, c'est la fausseté de l'idée que c'est une révolution des travailleurs. Alors, il dit non, c'est une dictature d'un parti, c'est une dictature d'intellectuels sur des travailleurs. Puis de fait, avec le recul, avec ce qu'on sait maintenant, parce que ce que vous venez de décrire s'ajoute toutes les horreurs du stalinisme, on a peine à comprendre aujourd'hui, donc avec nos yeux d'aujourd'hui, comment autant d'intellectuels français vont succomber à cet appel des sirènes du communisme soviétique. Mais il faut rappeler quand même, pour être honnête, que c'est le contexte des années 30 auquel on fait face. Une crise du capitalisme profonde, avec la crise économique, la montée du fascisme, ce qui complexifie un petit peu les choses. Écoutez Roger Garaudy, qui a été député communiste une bonne partie de sa vie en France, qui a été un fervent défenseur de ce modèle soviétique. Parler, remettre les choses un peu en contexte. Extrait de l'émission Rencontre, animée par Marcel Brisebois, en 1978. Vous avez vous-même écrit dans Parole d'homme, précisément, que vous avez été vous-même stalinien et que vous ne rougissez pas de l'avoir été. Oui, j'ai grave mon cas. Je l'ai été de la tête aux pieds. Pour une raison fondamentale, c'est que lorsque j'avais 20 ans, c'est-à-dire en 1933, quand j'ai adhéré au Parti communiste, le monde était manichéen, c'est pas moi qui l'ai fait ainsi. Il y avait d'un côté, dans le monde capitaliste, 70 millions de chômeurs. On tuait à cette époque des vaches laitières en Hollande alors que des enfants dans les quatre coins du monde mouraient de faim. On jetait du blé à la mer alors que dans le port de Gênes, on se battait pour un morceau de pain. Nous avions l'impression d'un désordre absolu. Et d'autre côté, nous avions le commencement des plans quinquennaux. Le moment de la grande épopée de maîtrise de la nature qui a permis à la vieille Russie de rattraper en quelques années des siècles de retard. Alors c'est vrai, le monde était manichéen et nous sommes devenus manichéens. Et c'est encore plus vrai lorsqu'Hitler est arrivé au pouvoir, c'est d'ailleurs aussi en 1933. Et lorsqu'on a vu à quel crime cela menait, tout ce qui combattait Hitler était dans le sens du bien. Nous avions donc un monde séparé en deux, tout le bien, tout le mal. Et nous avons eu tendance à, en effet, à devenir tout à fait manichéens. D'un côté tout le bien et de l'autre côté tout le mal. Est-ce que nous avions tort ? Pour ma part, je ne regrette pas d'avoir combattu l'hitlérisme dès le début. Et je dois dire qu'à cette époque, on ne se bousculait pas au portillon. Les militants communistes ont commencé par dénoncer Hitler. Ce sont les seuls, pour la France, je ne sais pas, qui ont par exemple dénoncé les accords de Munich comme une capitulation. Alors, bien sûr, il est accablant, ce contexte des années 30. André Champagne, crise économique, montée d'Hitler en Allemagne, mais quand même, dans quelle mesure ce contexte-là peut justifier un tel aveuglement par autant de monde, par autant d'intellectuels, par rapport aux horreurs qui se déroulent en URSS? Parce qu'on est... On a très peu d'informations sur les horreurs qui se déroulent. Il y en a, parce que vous avez, par exemple, le communiste Yugoslav Ante Siliga, qui va rester en Russie de 18 jusqu'à 28, qui va écrire un livre 10 ans au pays du mensonge déconcertant. Vous avez la biographie de Staline par Boris Souvarine, un communiste français qui va quitter le PCF et qui va dénoncer le fonctionnement du système soviétique. Mais c'est la montée de l'hitlérisme, c'est la menace de guerre, et aussi ce qui va vraiment... accentuer l'aveuglement, c'est la victoire de l'armée rouge contre l'armée allemande. C'est que ce qu'il faut voir, c'est que Staline est auréolé de la victoire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Autant on craint Hitler, autant on craint le fascisme des années 30, autant après la Deuxième Guerre mondiale, étant donné que l'armée rouge a libéré son territoire puis s'est rendue jusqu'à Berlin et que la Russie a payé l'impôt du sang, cette victoire-là va vraiment oblitérer tout ce qu'on reprochait à Staline, tout ce qui transpirait de la terreur stalinienne, des procès de Moscou. Et étant donné cette victoire-là, Staline sort encore grandi de cette expérience-là, ce qui contribue à l'aveuglement. Puis aussi, n'oubliez pas une chose, c'est qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, déjà, c'est le contexte de guerre froide. Ouais. C'est encore une fois une vision manichéenne. Les États-Unis vont représenter aux yeux d'une partie de l'intelligentsia européenne, particulièrement française, le camp impérialiste, ouais, alors que l'URSS va représenter le camp anti-impérialiste par excellence. Puis on va y revenir à ce contexte de l'après-Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est vrai que ça va donner lieu à une espèce de renouveau de ferveur communiste et stalinienne particulièrement. Mm-hmm. Mais avant, un mot quand même sur ceux qui sont nombreux finalement. On parlait d'André Gide au tout début de l'émission. À voir clair, à tout à coup réaliser que ce régime dont il chantait les louanges, c'est un régime absolument abominable. Il y en aura plusieurs. Donc. Et c'est souvent à la suite d'un voyage en URSS que cette conversion se produit. Le cas de Gide, il est formidable. Oui, Gide est formidable. À l'été 1936, il va passer 9 semaines en URSS. Il va s'apercevoir qu'on ment impunément à la population, qu'on ment aux intellectuels, qu'on ment aux voyageurs. Et lui, il a la lucidité de le reconnaître. Et pour vous donner une idée du climat de l'époque, quand il revient en France à la fin de l'été 1936, il rédige assez rapidement son retour du RSS. Il se rend en Espagne pour le faire lire à André Malraux. André Malraux est estomaqué. Il lui dit, bon, c'est probablement vrai, mais étant donné qu'il y a la guerre civile en Espagne, étant donné qu'il y a ce combat entre les forces du bien et le fascisme, tu ne peux pas le publier parce que si tu publies ce livre-là, tu vas décourager beaucoup, beaucoup d'ouvriers, de paysans. Donc, interdit d'attaquer exactement, il faut régime pas soviétique. Parce que en disant ces vérités-là, si vérité il y a, évidemment, tu vas décourager l'engagement face à la croisade contre le nazisme et le fascisme. Oui. Arrivons-en à ce contexte de l'après-Deuxième Guerre mondiale dont vous parliez. Effectivement, il y aura un retour de l'engouement plus fort que jamais, au fond, du délire. Quelques exemples, André, de ce délire autour de Staline, à ce moment-là. Ben, écoutez, vous avez, par exemple, vous avez un Jean-Paul Sartre qui va écrire, écoutez, en 1954, « La liberté de critique est totale en URSS. Et le citoyen soviétique améliore sans cesse sa condition au sein d'une société en progression continuelle. Vers 1960, avant 1966, si la France continue à stagner, le niveau de vie moyen en URSS se dotera de 30 à 40 % supérieur. » Et là, on est en 1954. Ouais. Mais c'est qu'au lendemain de la guerre, c'est pire. Pourquoi? Parce que c'est la misère qui règne en Europe, alors que l'URSS, évidemment, auréolé de la victoire, auréolé de la défaite du régime nazi, profite de tout son système vraiment de propagande pour diffuser ce message que oui, ça marche. Et c'est sans compter tous les portraits encore là complètement surréalistes qu'on va faire, que les intellectuels français feront de Staline. On est dans le délire le plus parfait. Comment expliquer? On y revient, un tel aveuglement, puis on se ramène et on reste dans le contexte de l'après-Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a eu des étapes, on l'a bien vu. On écoute le philosophe et écrivain Raymond Aron en parler à l'émission Noir sur Blanc, animée par Denise Bombardier en 1980. Les intellectuels français qui dominaient Paris au lendemain de la guerre avaient des sentiments de gauche que je comprends et que je partage dans une certaine mesure. Les États-Unis représentaient le capitalisme. L'Union soviétique était censée représenter le socialisme ou le marxisme ou l'espoir de l'humanité. eh bien, reconnaître que l'espoir n'était pas du côté de l'Union soviétique, reconnaître que dans la rivalité des deux grandes puissances, quels que fussent les défauts des uns et des autres, nous étions plutôt du côté des États-Unis. Tout cela, pour moi, ne faisait pas problème, parce que c'était la réalité comme cela. Et c'était la réalité qui nous assurait notre liberté. Mais pour des hommes plus idéologiques que je ne suis ou que je ne suis devenu, c'était une épreuve et c'était un effort qu'ils n'ont pas accompli, jusqu'au moment où la réalité a été tellement évidente et oppressante en même temps, lorsqu'il y a eu Solzhenitsyn, lorsqu'il y a eu la révélation répétée des camps de concentration, eh bien, après avoir fait le pèlerinage successivement à Moscou, puis à Belgrade, et puis à Pékin, et puis à Hanoï, ils ont renoncé au pèlerinage puisqu'il n'y avait plus de capitale du marxisme qui fût, disons, un foyer d'espoir de salut. Alors, sans qu'il le nomme explicitement dans l'extrait qu'on vient d'entendre, évidemment, c'est Jean-Paul Sartre à qui pense Raymond Aron dans cet extrait. Un mot sur Sartre, sur Beauvoir, sur les intellectuels des temps modernes. Quelle place ils vont occuper dans cet engouement des intellectuels français pour le régime soviétique, André Champagne? Bon, Sartre, au lendemain de la guerre, il est favorable à l'URSS, en grande partie parce qu'il est anti-américain. Pour lui, la Russie est responsable de la défaite du nazisme. Donc, il y a un engouement de l'intelligence française pour le communiste. Donc, Sartre suit ce mouvement-là et la revue qu'il va animer, Les Temps modernes, va participer à ce mouvement-là. Sartre, pour lui, il y avait une espèce probablement d'effet de mode, d'effet d'esprit du temps. Et finalement, il va s'ouvrir les yeux qu'en 1956, ouais, quand l'URSS envahira la Hongrie, et la 1956, c'est l'année également du 20e congrès du Parti communiste où Khrouchtchev va dénoncer... Ça, c'est un moment marquant. C'est un moment marquant. Pourquoi? Parce que Khrouchtchev dénonce les crimes de Staline, dénonce le culte de la personnalité, et à l'automne 1956, survient l'invasion de la, ouais, Hongrie. Donc ça commence à ouvrir les yeux. Mais de 1945 jusqu'à 1956, c'est vraiment l'âge d'or de l'engagement des intellectuels français pour le communisme, parce que oui, l'URSS est de sa victoire, mais il y a également l'idée que les États-Unis sont l'incarnation, ouais, du mal. Pourquoi? Parce que les États-Unis symbolisent le monde capitaliste et, étonnamment, on prétend que les États-Unis sont une puissance impérialiste. Et aujourd'hui, André Champagne, elle en est où, cette France intellectuelle, par rapport à tout ce passé soviétique? Quel regard ils portent, les intellectuels français, sur ce que leurs prédécesseurs ont épousé comme vision? Ben, aujourd'hui, c'est l'étonnement. Aujourd'hui, c'est pourquoi cet aveuglement. Et puis aujourd'hui, évidemment, on hésite beaucoup avant de s'engager pour des causes intellectuelles. Puis ce qu'il faut voir aussi, c'est l'impact qu'a eu la publication de l'archipel du Goulag par Solzhenitsyn en 1973-1974. C'est ce qui a vraiment ouvert les, ouais, yeux. Mais aussi, aujourd'hui, suite surtout au livre majeur de François Furet, Le passé d'une illusion, qui a expliqué l'aveuglement des intellectuels pour le communisme. Et en lisant Furet, on peut comprendre cet aveuglement-là, ouais, parce que pour lui, c'est très simple, c'est qu'il y avait chez les intellectuels, chez les écrivains, une espèce de sentiment de culpabilité face à la misère ouvrière, face aux inégalités. André Champagne, historien, collaborateur régulier de l'émission. Merci beaucoup, André. Je vous en prie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Thank you.